écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Help me find the way, bring me back to you, Chers amis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis Abanga Onana. Tout homme est le chef de son épouse. Tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Nous avons conçu le message d'aujourd'hui d'après une inspiration des idées des hommes de Dieu tels que Miles Monroe, Christ Oyakhilome, le couple Castanou et plusieurs autres. Le tout sous la haute autorité de la pensée du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ouvrons nos Bibles dans Daniel 11 et lisons le verset 32. Il, s'agissant de l'Antichrist, séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. La Bible nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Comme le roi David avait respecté l'onction de Dieu sur le roi Saül, malgré que ce dernier était méchant, le haïssait et faisait tout pour le tuer et pour empêcher que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans sa vie, et malgré que Dieu avait déjà rejeté le roi Saül, telles les épouses véritablement chrétiennes doivent respecter l'onction divine de l'autorité que Dieu a conférée à leurs époux respectifs sur elles, même si ces derniers sont des Nabal. Parce qu'aucun de nous ne peut rien recevoir, ni s'épanouir et prospérer quand il méprise, vilipende et s'oppose à l'onction divine qui se trouve sur l'autorité que Dieu a placée sur lui. Nous savons aussi que toutes les épouses qui sont nées de Dieu triomphent du monde et que l'amour de Dieu qui remplit leur cœur les enceint et les rend capables de garder ses commandements qui ne sont pas pénibles pour ces épouses vertueuses, même quand elles traversent des situations et des conditions terribles, comme Abigaël de Nabal. 1 Jean 5, du verset 3 au verset 5 nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour tous ceux qui sont nés de Dieu. Je suis un homme, un époux et un père. Et croyez-moi, plusieurs hommes traitent leurs épouses et leurs filles comme des esclaves. Mais telle n'est pas la volonté parfaite de Dieu, parce qu'aucun être humain, quelle que soit la situation, n'a pas le droit de traiter un autre être humain comme esclave. Nous savons aussi que dans Genèse 3, Dieu avait prononcé une malédiction sur la femme, que son mari dominera sur elle. Mais là aussi, en Jésus-Christ, telle n'est plus la volonté parfaite de Dieu pour la femme régénérée. Galates 3, verset 26. Parce que face à un époux fou et méchant, aucune femme non sauvée et non baptisée en Christ ne sera couronnée par Dieu. Et celles qui sont déjà en Christ ne seront pas couronnées si elles ne combattent pas selon les règles, c'est-à-dire selon la parole de Dieu qui ne change pas. 2 Timothée 2 à partir du verset 1. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Chères épouses chrétiennes, écoutez-moi bien. Il n'est pas d'épouse chrétienne qui s'embarrasse des affaires de la vie si elle veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Chers épouses chrétiennes, chacune de vous est un athlète qui doit combattre et vaincre la pensée et les ruses du serpent ancien qui avait vaincu Ève, son mari et son foyer à Éden. Mais à condition que vous combattiez suivant les règles de Dieu dans lesquelles vous devez demeurer éternellement si vous ne voulez pas imiter Ève en vendant votre droit d'aînesse au serpent ancien. Voici quelques règles de Dieu incontournables pour vous en tant que femme. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Afin que, même si vos maris sont de Boko Haram, ils seront gagnés sans parole par votre conduite, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Voici la solution que Dieu donne à vos problèmes. Femmes vertueuses qui souffrent entre les mains des multiples Nabal que nous sommes, nous les hommes. Comment les démons que vous combattez peuvent-ils vous obéir si votre obéissance à Dieu n'est pas complète? 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Malheureusement, plusieurs femmes chrétiennes et même celles qui sont dans le ministère chrétien sont les premières à s'opposer et à résister à leurs maris en privé et en public, juste parce qu'elles sont leurs épouses. Avant de se marier, chaque femme doit connaître la signification biblique du mot mari. Il signifie maître, chef. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Tant que vous n'êtes pas spirituellement et émotionnellement prête à placer toute votre vie sous l'autorité d'un homme que Dieu a oint en tant que votre mari, mieux vaudrait pour vous demeurer célibataire à vie que de susciter des foyers bombes entre les mains de Satan. À partir d'aujourd'hui, cessez de croire que votre mari n'est que le partenaire mâle dans votre couple et que vous en êtes le partenaire femelle. C'est cette ignorance fondamentale qui fait que la plupart des mariages chrétiens ne sont que des fiascos. Parce que ni les mariés, ni les parents, ni les dirigeants spirituels ne s'accordent pas avec les définitions divines sur le mariage, mais sur celles de la chair, du monde, de la religion et de Satan. Les jeunes mariés sont enseignés et conditionnés toute leur vie religieuse, avant, pendant et après le mariage, comme s'ils étaient des partenaires égaux dans l'institution divine et terrestre qu'est le mariage divin, selon la Bible. À cela viennent s'ajouter les multiples confusions créées par les constitutions et codes pénaux des multiples pays dans le monde, qui n'ont pas forcément tous la pensée de Jésus-Christ. Par ce message, nous ne nous adressons pas aux femmes non nées de nouveau en Christ, sauf si elles veulent le devenir à travers ce message, parce qu'elles ne comprennent pas ce que nous disons. Mais nous parlons aux femmes qui se disent chrétiennes et qui fréquentent assidûment les différentes églises. Nous parlons à ces femmes qui veulent sans cesse être transformées par le renouvellement de leur intelligence afin de connaître la volonté parfaite de Dieu et de lui être totalement agréable. Chères sœurs en Christ, si vous n'êtes pas seulement des religieuses, mais si vous voulez vraiment vivre selon la parole de Christ, écoutez donc et mettez en pratique ce que la parole de Christ vous dit, quelles que soient les tribulations que vous avez et les fosses au lion où vous êtes jetés. 1 Corinthiens 11, verset 8 dit, « L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » Ce verset est fondamental. Quand une femme a déjà compris ça, le serpent ancien ne peut plus facilement la manipuler. Même comme Dieu sait tout avant le commencement et avant la fin, créer la femme n'était pas son idée maîtresse. Parce que avant de créer la femme et de la donner à Adam, il avait déjà déclaré que tout ce qu'il avait créé était très bon. Mais pour quel but et pour qui avait-il donc créé la femme? Genèse 2, à partir du verset 15. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et l'homme donna les noms aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Si les parents chrétiens à la maison et les dirigeants spirituels dans les églises avaient assez de courage et de lucidité spirituelle pour enseigner tout ceci à leurs filles et à leurs chrétiennes, elles seraient heureuses, épanouies et louées par leurs maris et par leurs enfants dans la famille et dans la vie. À cause de ce manquement, plusieurs jeunes filles et femmes ne savent pas qui un homme est en réalité. Elle croit qu'il est une autre femme comme elle, mais seulement biologiquement différent. Mais Dieu dit que dans le mariage, nous avons le mari qui est le chef de cette union et du foyer. Et parce qu'il est le chef de cette union, sa femme doit tout faire pour l'écouter et pour le comprendre. Parce que c'est à Adam que Dieu avait tout expliqué avant la création d'Ève. Et c'est Adam, ensuite, qui avait pratiquement tout enseigné et instruit sa femme de la pensée de Dieu. Dans son rôle d'être de compagne et d'ami au sens biblique du terme, Ève pouvait le conseiller, elle pouvait venir à son secours et non l'instruire, ni apporter une nouvelle vision pour supplanter celle que Adam avait déjà de la part de Dieu, ni prendre l'autorité sur lui. Malheureusement, c'est ce qui arriva dans Genèse 3. Malheureusement aussi, dans ce domaine où la sagesse humaine et l'humanisme ont supplanté la pensée de Christ, même dans les églises, plusieurs croient et enseignent que c'est l'homme qui doit d'abord écouter sa femme et lui obéir, et même se soumettre à elle. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La femme qui n'écoute pas son mari parce qu'elle ne sait pas qui Dieu dit qu'il est pour elle, est comme un employé en service, mais qui ne sait pas ce que son patron attend de lui. Quand une femme accepte de se marier à un homme, elle doit comprendre pendant qu'il est encore temps qu'elle est ainsi en train de mettre de côté son indépendance, son autonomie, et qu'elle est en train de se mettre sous l'autorité de cet homme. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme, pendant que Christ est le chef de l'homme. 1 Corinthiens 11, verset 3. Dans le mariage, Dieu ne dit pas que l'homme et sa femme se partagent l'autorité, mais il dit que la femme est sous l'autorité de son mari. Abigaël, épouse d'un fou, l'avait bien compris et Dieu l'avait ainsi vengée et bénie. Mais en plaçant la femme sous l'autorité de son mari, Dieu n'a pas fait d'elle un esclave, mais une princesse vertueuse, responsable, bâtisseuse, productrice, dispensatrice de la vie, sage et réservée, si elle demeure dans la pensée de Christ et dans la soumission. L'homme et la femme sont tous égaux devant Dieu, en salut, en grâce, en bénédiction, en félicité éternelle. Parce qu'au ciel, dans l'éternité, il n'y a ni homme ni femme, mais nous serons tous comme des anges. Galates 3, verset 28. Mais pendant que nous fonctionnons encore ici sur la terre, Dieu permet que certains humains soient les chefs des autres. Romains 13, verset 1. Que toutes personnes soient soumises aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est pour cela que Dieu ne permet pas à la femme chrétienne de prendre l'autorité sur son mari. 1 Pierre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, non seulement à ceux qui ne font pas d'erreur, non seulement à ceux qui craignent Dieu, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Chère épouse chrétienne et vertueuse qui m'écoute, ton mari est peut-être d'un caractère difficile, mais que te dit le Seigneur Jésus-Christ auquel tu crois? Sois soumise en toute crainte à lui, cet homme à caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Abigail, votre grande sœur et épouse vertueuse dans la foi, l'avait compris. Dans 1 Samuel 25 à partir du verset 3. Marier un homme selon Dieu signifie que la célibataire que tu es accepte toute sa vie et se placer sous son autorité. C'est-à-dire que ton mari devient ton chef dès que vous vous mariez. Combien de jeunes femmes le savent-elles avant et pendant leur mariage? Combien dans les églises sont enseignées à le comprendre et à le vivre joyeusement dans leur foyer? 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, mais par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Aujourd'hui, les femmes croient que c'est par la parole, par les insultes et les querelles qu'elles peuvent changer leur mari Nabal. Ce n'est pas la solution que Dieu vous propose. Cela signifie aussi qu'il y a plusieurs hommes mauvais qui n'ont pas en premier besoin qu'on vienne leur prêcher l'évangile tant qu'ils n'ont pas encore vu le comportement chaste et réservé de leurs épouses qui disent qu'elles ont déjà cru et qui vont à l'église. Une fois mariée, si vous refusez de vous soumettre à votre mari, vous devenez une rebelle aux yeux de Dieu. Et Dieu ne peut plus approuver ce que vous faites, ni vous soutenir. Parce que vous ne fonctionnez pas correctement, quels que soient les titres religieux que vous avez dans votre église. Ce sont les hommes qui vous les donnent et non Dieu, parce que vous ne les méritez pas. Vous êtes peut-être une vedette dans votre église, mais une déception pour Dieu. Parce qu'au lieu de tout faire pour plaire à Dieu, vous le faites plutôt pour plaire aux hommes. Démontrant ainsi, selon Galates 1, verset 10, que vous êtes serviteur des hommes et non serviteur de Dieu. Aïe! Que dit Proverbe 31, au verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel et non les hommes est celle qui sera louée. Même votre époux là, ne vous soumettez pas à lui parce que vous le craignez. Soumettez-vous à lui parce que vous craignez Dieu. Soumettez-vous à votre mari parce que vous avez compris que c'est cela la voie de votre salut, de votre paix, de votre épanouissement. Soumettez-vous à votre mari par pure conscience chrétienne. Dieu a donc créé la femme pour démontrer le rôle de chef, de responsable et de visionnaire que chaque homme a dans sa maison, dans sa famille. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Après avoir constaté que l'homme ne trouvait point d'aide semblable à lui, Dieu ne dit pas, il n'est pas bon que l'homme soit isolé, mais il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Être isolé et être seul ne signifie pas la même chose. Adam n'était pas isolé, mais il était seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu n'a pas dit, pour que l'homme ne soit plus seul, je lui ferai une associée, une surveillante, une superviseuse, une rivale, une marraine, une co-directrice. Quelqu'un qui va le conduire ou lui dire ce qu'il doit faire. Non, non, non. Mais Dieu dit hier, aujourd'hui et demain, je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide qui lui est adaptée, qui est qualifiée pour Adam et non pour un autre homme. Une aide qui aimera et suivra la vision que j'ai donnée à Adam, son mari, et non sa propre vision. Et non la vision de ses conseillers, de ses marabouts, de ses parents, de ses mauvaises compagnies, de ses sponsors et de ses marraines d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et non la vision des jaloux, des rivaux, des opposants et des ennemis d'Adam. Je lui ferai une aide qui lui sera soumise et non à un autre. Parce que lui seul, j'ai établi chef de sa vie. C'est-à-dire que toute femme qui croit en moi, c'est Dieu qui parle, se placera librement et joyeusement sous la mission que j'ai confiée à son mari et non sous la mission d'un autre homme ou d'une autre femme. La soumission de la femme envers son mari signifie donc qu'elle doit se placer sous la mission de son mari. Malheureusement, Ève avait préféré, comme nous le voyons dans la vie de plusieurs femmes dans nos églises aujourd'hui, Ève avait donc préféré être une aide semblable au serpent ancien, sous les regards impuissants des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des bishops, de nos intercesseurs, de nos grands et super hommes de Dieu, oint et envoyés par Dieu lui-même pour nous bénir et pour nous délivrer. Et pire encore, sous les regards endormis et rêveurs, même des églises dites réveillées. Cela est très grave. Et cela est un signe très fort que la trompette de l'enlèvement de l'église va sonner à tout moment. Adam avait besoin d'une aide et de rien d'autre. Parce que Dieu lui avait donné une très grande responsabilité sur toute la terre. Et l'idée n'était pas d'Adam, mais de Dieu lui-même. Si ceci était bien enseigné, bien compris, bien cru et mis en pratique dans nos foyers, dans nos familles et dans nos églises de plus en plus occidentalisées et sévrées de la pensée de Christ, nous n'aurions pas toutes ces foires à sorcellerie que nous appelons foyers chrétiens et églises chrétiennes. Quand nous voyons des foyers dits chrétiens où les femmes se disputent le leadership familial avec leur mari, sachons que le serpent ancien de Genèse 3 est à l'œuvre. Nous croyons que ce dont les chrétiens ont besoin aujourd'hui n'est pas des séminaires pour le mariage, mais des séminaires pour la parole de Dieu que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas ou que nous ne pratiquons pas. Nous remercions le Seigneur pour la bonne bouffée d'oxygène qu'il nous a donnée à travers PVM du mois de mai 2015, animé par Bishop Lennox Walker du Canada et de Ivan Castano de France, tous deux invités par le révérend Jérôme Ebois. Parce qu'à quoi sert un séminaire sur le mariage à un chrétien qui est charnel jusqu'aux oreilles et qui ne sait pas comment crucifier quotidiennement sa chair, qui a l'apparence de la piété mais réunit ce qui en fait la force? À quoi lui sert un séminaire sur le mariage? Chère épouse chrétienne, née vraiment de nouveau, cela paye quand tu obéis à ce que Dieu te demande. Ta force est quand tu demeures portant du fruit digne de la repentance au poste où Dieu t'a placé, c'est-à-dire sous ton mari qui est ton chef, même s'il s'agit d'une fournaise ardente ou d'une fosse au lion. Dieu te fait confiance comme il avait fait de Daniel dans la fosse au lion et de ses trois compagnons juifs dans la fournaise ardente. À cet effet, Isaïe 43 à partir du verset 2 te dit, si tu traverses les fleuves, je serai avec toi. Ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. ne crains rien, car je suis avec toi. Femme chrétienne vertueuse, tiens bon, ne sois pas séduite par le serpent ancien, comme jadis Ève au jardin d'Eden. Tiens bon, Dieu vient à ton secours, pendant que tu demeures fidèle à ton poste, pour la gloire du seul vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Chère épouse chrétienne, c'est dans ta crainte de Dieu que tu seras louée par ton mari. C'est dans ta soumission et le respect à ton mari que tu as ta force, ton salut, ta protection divine, ton bonheur et ton élévation. Même si le président de la République te loue, même si les Nations Unies te louent, même si ton patron au bureau te loue, même si ton prêtre ou ton pasteur te loue, même si ton parti politique te loue, tant que ton mari et tes enfants ne te louent pas parce que tu es insoumise, désobéissante, absente au foyer et vilaine, irritante, querelleuse, Dieu aussi ne te loue pas parce que tu es une rebelle. Ephésiens 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ma sœur en Christ, femme vertueuse, ne séduisons pas des gens par de vains discours. Chère épouse chrétienne, en t'épousant, ton mari ne cherche pas une autre mère. Il en a déjà une. En t'épousant, ton mari ne cherche pas une autre grande sœur qui devra lui dire ce qu'il doit faire. Moïse, en son temps, en avait beaucoup souffert de la part de sa grande sœur Myriam, qui avait commencé à mépriser l'onction de Dieu sur lui. Chère épouse chrétienne, que ce qui était arrivé à la grande sœur de Moïse ne t'arrive pas, sauf si tu aimes la lèpre. Nombre 12. Chère épouse chrétienne, ton secret divin est dans l'obéissance à ton mari. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est Dieu qui le châtiera, qui te vengera et qui te bénira, si ton mari ne se répand pas. Ton secret divin est d'écouter ton mari et de faire les choses qui lui plaisent selon le Seigneur. S'il te demande de faire des choses qui déplaisent au Seigneur, ne t'oppose pas charnellement à lui. Mais avec la sagesse de Dieu, essaye de lui faire comprendre avec respect et amour que cela n'est pas bon pour son bien, ni pour la gloire de son Créateur, ni pour votre foyer. S'il ne t'écoute pas, va dans ton lieu secret et remets la situation entre les mains de celui qui t'a établi sous lui. Il agira certainement si tu es fidèle, consacré et avec un cœur pur, ne dépendant que de Dieu seul qui a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Chère épouse, si tu as pour ministère de faire ces choses qui ne plaisent pas à ton mari, tu te comportes comme sa mère qui ne sait pas que son fils est devenu grand et un monsieur. Tu te comportes comme sa marâtre ou comme sa grande sœur et nourrice. Et du coup, au lieu de te percevoir comme sa femme, il commence à te percevoir différemment. Au lieu qu'il soit doux, galant et romantique envers toi, il commence à avoir envers toi les mêmes réactions qu'il a envers ceux qui veulent lui dicter ce qu'il doit faire. Tu deviens alors quelconque et dangereuse pour lui, comme ses rivaux et ses opposants. Parce que tu ne l'écoutes pas et ne lui obéis pas, parce que tu ne te soucies pas de faire les choses qui lui plaisent, parce que tu es sa rivale et n'a pour ministère que de bafouer son autorité et de le supplanter, de le dominer comme le serpent ancien t'a initié, alors, 1. Tu prends tes décisions et agis comme tu veux, parce que il n'a pas le droit de te dire ce que tu dois faire. Mais en même temps, tu es membre assidu et présidente des femmes de ton église. 2. Comme tu es ton propre chef, tu sors quand tu veux et rentres quand tu veux. Tu vas où tu veux et fréquentes qui tu veux. Tu décides de ta vie et même celle de tout votre foyer comme tu veux. Parce que ton mari n'a pas le droit de te dire ce que tu dois faire. Parce que le serpent ancien t'a poussé à le renverser et à prendre sa place. C'est maintenant toi, le vrai chef de famille et non lui. Mais en même temps, tu es membre assidu et leader du groupe des intercesseurs de ton église. 3. Tu t'habilles comme tu veux, tu te coiffes comme tu veux, tu te parfumes comme tu veux, tu décides de manger quand tu veux, où tu veux et avec qui tu veux. Parce qu'il n'a pas le droit de te dire ce que tu dois faire. Mais en même temps, tu es membre assidu et leader de la chorale des femmes de ton église. 4. Tu choisis et tu lui imposes tous les jours ce qu'il doit manger parce qu'il n'est pas qualifié et n'a pas le droit de te dire ce que tu dois faire ni même ce qu'il veut manger. Mais en même temps, tu es membre assidu et monitrice de l'école du dimanche de ton église. 5. Tu insultes ton mari, tu le frappes quand tu es en colère contre lui et quand il refuse de se soumettre à toi. Tu répands partout ses défauts réels et fabriqués. tu le grondes, lui dispute la parole en privé et en public. Tant qu'il demeure debout, tu fabriques chaque jour des nouvelles punitions et châtiments contre lui. Parce que le serpent ancien t'a séduit, que c'est lui la femme et que c'est toi l'homme. Et qu'il n'est pas qualifié et n'a pas le droit de te dire ce que tu dois faire. Et puis, parce que la Bible demande à tous les chrétiens de se soumettre les uns les autres, il faut à tout prix que l'homme que tu as doté démontre aussi sa part de soumission à toi. 50-50. Et donnant. Sinon, il mérite sa raclée du jour. Mes chères épouses chrétiennes, ce que tes parents, tes marraines et tes dirigeants spirituels ne t'ont pas enseigné est que l'homme de nature aime, soutient et sourit avec les personnes qu'il sert et ceux qui le servent. Mais il est sans cesse en compétition avec les personnes qui sont au même niveau que lui. Quand ton mari commence à te rappeler que c'est lui qui t'a doté et que ce n'est pas toi qui l'a doté, que c'est toi qui portes son nom et que ce n'est pas lui qui porte le tien, et que s'il meurt, il sera enterré dans son village et non dans le tien, et que si c'est toi qui arrives à mourir, tu ne seras pas enterré dans ton village d'origine, mais dans le sien, cela devrait être évident pour tous. Mais s'il te le rappelle, cela signifie qu'il y a un problème et il faut que tu redeviennes rapidement ce pourquoi Dieu t'a créé en ordonnant ton mari comme ton chef. Chère épouse chrétienne, ne rends pas bêtement et inutilement ta vie difficile et misérable. Être heureuse dans ton mariage et dans ton foyer est la chose la plus facile dans le monde. Mais seulement si tu joues ton rôle de femme et d'épouse, que Dieu seul et non la télévision et non les romans dits d'amour, les magazines Elle et Lui, les philosophies, les traditions humaines, les séries séculières et mondaines à la télévision, la philosophie, les traditions humaines, la chair, le monde, la religion et Satan. C'est donc le rôle que Dieu seul t'a donné que tu dois accepter et non le rôle que tous les noms que nous venons de citer là t'ont donné. Cette place sous ton mari que Dieu t'a donné dans ton foyer et dans ta vie est la meilleure de toutes les places. Une place de paix, de dignité, de joie, de bonheur, d'amour. Mais si ta chair, le monde et Satan te font quitter ou abandonner ce poste pour celui que eux, ils prétendent te donner, alors sache que c'est Satan que tu dois désormais appeler ton mari, ton patron, ton chef, en lieu et place de ton vrai mari et de ton foyer que tu as jeté à la poubelle. Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Comme Jésus, chère épouse chrétienne, ton mari est-il en train de te dire, pourquoi m'appelles-tu mon mari, et tu ne fais pas ce que je te dis? Et tu ne te soumets pas à moi, et tu ne m'obéis pas, et tu te disputes l'autorité avec moi. Chère femme chrétienne, quelle est cette onction ou cette sagesse-là qui te pousse à t'opposer systématiquement à toutes les visions, pensées ou objectifs de ton mari, alors que tu te mets à genoux pour accepter les mêmes choses quand cela vient des autres? Même si ton mari se trompe, en tant que son aide, si tu es conduite par le Saint-Esprit et non par la chair, dis-le-lui sous la forme d'une suggestion sage, parce que c'est la femme sage qui bâtit sa maison et non la femme insensée. Parce que la femme sage ouvre toujours la bouche avec la sagesse divine. Une épouse vertueuse et sage sera toujours une bonne influence pour son mari, qui finira, ironie du sort, tôt ou tard, par faire d'elle sa meilleure amie, sa confidente, son partenaire, sa superviseuse, la seule qui, en dehors de lui, a la signature de son compte bancaire. Et en plus de son aide qu'elle est déjà, il fera d'elle sa couronne. Chère épouse chrétienne, si tu veux que ton mari fasse de toi sa couronne pendant que Dieu applaudit, soumets-toi à lui et obéis-lui selon le Seigneur. Et c'est lui qui t'élèvera et te placera comme une couronne sur sa propre tête. Il n'y a que lui seul qui peut signer ce décret-là, parce qu'il est ton chef mandaté et ordonné par Dieu lui-même. Nulle part, vous ne lirez dans la Bible qu'une femme querelleuse, vilaine, insensée, infidèle, insoumise, désobéissante, indépendante, faisant le mal et non du bien à son mari tous les jours de sa vie, a été couronnée par ce dernier. Mais vous lirez plutôt dans Proverbe 12, au verset 4, une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Chers hommes qui m'écoutez, que le sentimentalisme, l'humanisme ne vous amène jamais à introniser reine votre femme qui est pour vous une carie dans les eaux. Aimez-la, intercédez pour elle, bénissez-la, mais ne faites jamais d'elle une reine, parce que le Seigneur Jésus-Christ rejettera ce trône. Une épouse religieuse et insensée va toujours tourmenter son mari, le mettant en colère, le plongeant dans l'amertume, afin qu'il rétrograde et commette des gaffes ou encore pour qu'il rate l'enlèvement imminent de l'église de Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu lui-même se charge de détourner toutes les femmes non vertueuses que la chair, le monde, la religion et l'humanisme ont couronnées reines. Pensez à Agar d'Abraham, à Jézabel d'Akab et à Vasti du roi Achiérus. Chère épouse chrétienne, apprends à écouter ton mari, apprends à le comprendre et à faire ce qu'il attend de toi. C'est là où se trouve ton charme, ta beauté, ton bonheur de la part de Dieu et non de la part de ton mari. Parce que les anges de Dieu t'observent, ils notent comment tu te comportes envers l'homme que Dieu a établi sur toi comme chef. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. L'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est la gloire de la femme. Ayons la pensée de Christ. Cela ressemble à la même pensée divine qui dit que Abanganana a été créé pour la gloire de Dieu et non l'inverse, qui serait un blasphème, rien qu'à y penser. Je suis Abanga Onana. Tout homme est le chef de son épouse. Tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. Chère épouse chrétienne, mais si tu demeures insensé, toute ta beauté s'évapore aux yeux de ton mari. Mais en même temps, cette même beauté prend davantage vie aux yeux de tous les requins et de tous les serpents en pantalon qui vont t'aider dans ta descente aux enfers, si tu ne te repens pas pendant qu'il est encore temps. Parce que le charme et la beauté d'une épouse chrétienne aux yeux de son mari et aux yeux de Dieu sont dans son obéissance et à sa soumission volontaire à son mari. Une fois que tu es marié à un homme, Dieu ne pourra jamais renverser le rôle pour faire de toi son chef. Même s'il est plus court que toi, même s'il est plus laid que toi, même s'il est plus pauvre que toi, même si tu es la fille du président de votre pays, même si tu es plus diplômé que lui, même si tu parles en langue plus que lui, même si tu es plus cultivé, plus sage et plus intelligente que lui, même si tu connais la Bible plus que lui, même si Dieu te parle plus qu'à lui. Si Dieu te parle plus qu'à lui, prouve-le donc seulement en te soumettant à lui comme Dieu te le demande. Il est ton chef en ce qui concerne le foyer, la famille et ta vie personnelle. Mais quand tu es vilaine et que tu parles à ton mari n'importe comment, ta beauté s'évapore, ton nez devient crochu et tu commences à avoir aux yeux de ton mari la mine d'une sorcière, d'une magicienne indienne ou d'un cobra. Chère épouse chrétienne, ne transforme jamais ton foyer en ring de boxe ou en zone de guerre sous contrôle de Boko Haram. Chère épouse chrétienne, quelles que soient les occupations que tu peux avoir dans la vie avec l'accord de ton mari, quel que soit le niveau de promotion que tu peux atteindre, quel que soit le niveau d'onction dans le ministère que tu peux atteindre, même si Dieu décide de te donner des dons spirituels plus que ton mari, cela ne sera possible et ne durera que si tu demeures soumise et obéissante à ton mari. Et il aura davantage confiance en toi. Alors je pose cette question. Chère épouse chrétienne, Ton mari a-t-il confiance en toi? Priez-vous ensemble? Communiquez-vous et êtes-vous des confidents? Pour cela, sois un modèle d'épouse vertueuse pour toutes les femmes et pour tous les hommes, tant ceux qui viendront pour te salir sexuellement, tant tes collègues de service, tant tes frères en Christ, tant tous les autres. 2. Tu dois suivre ton mari et non lui te suivre. Parce que c'est Sarah qui suivait Abraham et non le contraire. Parce que c'est Rebecca qui suivait Isaac et non le contraire. Parce que c'est Rachel qui suivait Jacob et non le contraire. Ces femmes ne voulaient pas commettre la même bêtise, la même sorcellerie que leur mère Ève avait commise au jardin d'Éden, qui avait pourtant bien commencé en suivant son mari comme Dieu l'avait dit. Mais séduite et formatée par le serpent ancien, elle entreprit de faire que c'est son mari qui doit la suivre et non elle suivre son mari. Nous connaissons la suite. Adapte tous tes programmes au sien et sous son approbation et ne cherche jamais à le supplanter ou à le placer toujours devant des faits accomplis. 3. Tu dois bâtir ton foyer qui doit occuper la seconde place dans ta vie après Jésus. L'église et ses multiples activités ne viendront qu'en troisième position. 4. Que ta lumière dans ton ministère et dans toutes tes activités brille à partir de ton foyer. 5. Sois une épouse excellente, c'est-à-dire la couronne de ton mari. Proverbe 31, verset 33. L'époux de la femme vertueuse est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Cette femme vertueuse de Proverbe 31 est la gloire de son mari et son mari est considéré aux portes grâce au ministère d'épouse soumise, obéissante, sage et réservée de sa femme. 6. Si Dieu te oint et te bénit plus que ton mari, ne déborde jamais tes limites, car c'est parce que tu es sous lui que Dieu te fait prospérer, afin que tu l'aides mieux. 7. Que jamais ton mari, désabusé, déçu et humilié par toi, ne pleure jamais devant Dieu et à genoux, en des termes tels que « Seigneur, j'amène le cas de ma femme à toi parce que je ne veux pas la diffamer. Seigneur, je ne sais plus ce que je dois faire. Je suis blessé à l'intérieur. Je suis seul comme Adam avant son mariage, alors que je suis déjà marié. Je suis négligé pendant que mon épouse est sans cesse absente de la maison, s'occupant de ses multiples activités professionnelles, politiques, académiques, sociales et religieuses. Et quand elle est là, elle passe le temps à me gronder, à me donner des instructions et à m'insulter parce que je viens de perdre mon emploi. Et que notre seule source de revenus est désormais le commerce qu'elle gère et que j'avais moi-même sponsorisé quand je travaillais encore. Certains foyers où le mari a été détrôné par sa femme paraissent des modèles de réussite tant que le mari achète et monnaie encore tout. Paix, douceur, joie, amour, tendresse, respect, soumission, communion, obéissance, aide, premier et dernier mot, chef de famille, visionnaire incontesté de la famille. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Chers époux qui m'écoutez, si vous êtes en Christ, veillez totalement à ce que vos épouses et vos enfants aient le même niveau de vie que vous. Mais s'il vous plaît, n'achetez jamais l'amour de votre femme. N'achetez jamais votre autorité sur elle. Ne vous compromettez jamais. Quelle que soit la situation, ne lui vendez jamais votre droit d'aînesse, en privé ou en public, alors qu'elle vous brime. Et vous dictez tout comme Vasti, l'épouse du roi Assuérus dans la Bible. Et surtout comme Jézabel, l'épouse du roi Akab. L'autorité de Christ sur vous et la vôtre sur votre épouse sont non négociables parce que personne ne peut suivre deux maîtres à la fois. De même qu'aucune femme vraiment chrétienne ne peut avoir deux maris, de même elle ne peut avoir un autre chef en ce qui concerne son foyer, sa maison et sa propre vie personnelle en dehors de son mari, ordonné par le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Chère épouse, si tu es vraiment chrétienne, si tu crois et tu demeures vraiment dans la parole de Jésus-Christ, humilie-toi et soumets-toi à ton mari ordonné par Dieu et non à un concubin ou au mari d'une autre femme. Même si ton mari est un ivrogne, un coureur de jupons, un sorcier, un membre des cercles ésotériques, même s'il est la cause de tous tes malheurs. C'est même en ce moment que ton mari a plus besoin de ton aide. C'est parce que ton mari n'est pas un ange ni Superman que Dieu t'a ordonné pour l'aider et non pour te disputer le pouvoir et l'autorité avec lui à cause de ses faiblesses et de ton aveuglement spirituel. Connaissez-vous un roi ici sur la terre qui est propre, bien nourri, bien conseillé, toujours à l'heure, bien habillé, bien informé et rendant bien son ministère sans aucune aide, moi je n'en connais pas. C'est pour cela que Éphésiens 5 au verset 22 dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Tout véritable roi a pour aide une reine vertueuse. Par leur obéissance et leur soumission à leur très mauvais mari, les femmes vertueuses peuvent, par leur manière de vivre chastée et réservée, influencer ces maris et les attirer à Dieu par la lumière de Christ qui brille en elles. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chastée et réservée. Quand les épouses dites chrétiennes ne se soumettent pas à leur mari et que les enfants, les familles, les voisins et les gens du dehors le constatent, la parole de Dieu est ainsi blasphémée et la grande commission bafouée pendant que la religion et les activités religieuses gagnent du terrain à vue d'œil. Titre chapitre 2 à partir du verset 3. Dieu ne peut pas demander à n'importe qui d'être l'aide d'un roi. Et les femmes doivent comprendre que Dieu ne les a pas établies aide de leur mari parce qu'elles sont inférieures à ces derniers. Si tel était le cas, même le Dieu Tout-Puissant serait notre inférieur, parce qu'il est notre aide. Romains 8, verset 26. De même aussi, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Hébreux 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peuvent me faire un homme, femme chrétienne vertueuse? Que le Seigneur Jésus-Christ soit votre aide, car que peut vous faire Nabal? Si Dieu t'établit aide d'un roi qu'il a ordonné, s'il t'établit pour bâtir le royaume de ce roi, sans que tu flirtes avec le serpent ancien, sans que tu sois séduite par lui, sans que tu consommes le péché avec lui, quelle autre responsabilité grandiose veux-tu que Dieu t'accorde sur cette terre? Quel autre signe veux-tu que Dieu te fasse pour te montrer qu'il a confiance en toi? Si tu demeures soumise à ton mari par le Saint-Esprit qui est ta force et ta sagesse. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Chère épouse chrétienne, ne sois jamais une femme insensée qui détruit de ses propres mains son mariage, son foyer, sa maison, le royaume que Dieu lui a donné de bâtir, son bonheur et son épanouissement, juste parce que tu es entrée en concubinage spirituel, émotionnel ou physique avec un imposteur, le serpent ancien, pour te soumettre à lui en lieu et place de ton mari divin. Tu dois toujours demander à Dieu de te donner une révélation plus profonde dans la connaissance et la compréhension divine du mot soumission. Soumission à ton mari. Parce que la sagesse et la force divine dont tu as besoin pour bâtir ton foyer se trouvent dans ce mot soumission. Cette soumission qui vient du cœur et non de la ruse ou de la peur des représailles. Il est impossible de prétendre dire que nous aimons un mari à qui nous sommes foncièrement insoumises. La plupart des femmes qui sont désobéissantes et insoumises à leur mari le sont le plus souvent parce qu'elles ne se sont pas mariées à lui par amour véritable et sous la seule autorité de la Bible, la parole de Dieu. Mais elles se sont le plus souvent mariées parce qu'elles recherchaient un intérêt charnel, matériel, financier ou de positionnement qu'elles ont raté. Alors, désormais, elle pratique la fameuse politique « Sagate, Sagate ». Si j'avais su, j'allais épouser Abednego, Shadrach ou Meshach, et non ce Nabal. Chère épouse chrétienne, ta soumission à ton mari va lui permettre d'être conscient de ta gloire divine, de tout le bien que tu lui as fait et que tu continues à lui faire, de ta tendresse envers lui seul, malgré sa rudesse envers toi. Et quand il se rendra compte de cela, tu seras peut-être surprise que c'est lui qui commencera à te louer. Et c'est lui-même qui se soumettra maintenant à toi pour que tu lui parles de ton Jésus qui t'a si profondément changé et équipé. Dieu ne te demande pas de te soumettre à ton mari parce que tu es folle, ni parce que tu lui es inférieure, mais c'est seulement parce que la sagesse et la force dont tu as besoin pour bâtir ton foyer sont dans ce mot « soumission ». Soumission à ton mari. Et puis, une sœur ministre de Dieu disait aux femmes que si elles n'ont pas pu être heureuses, épanouies quand elles étaient encore célibataires, quand elles n'étaient pas encore sous un homme qui leur dira désormais ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire, il leur est souvent très difficile d'être heureuses et épanouies quand elles entrent dans un foyer avec toute leur tare, ignorance, mauvais caractère, blessures spirituelles, émotionnelles et physiques. 1 Corinthiens 7, verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Cependant que vous êtes encore des jeunes filles, que vous devez vous préparer au mariage en ne vous inquiétant que des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. La femme qui va se marier doit avant tout connaître qui elle est et qu'est-ce que Dieu attend d'elle. Sinon, elle sera une bombe dans son foyer. Parce qu'on ne donne pas le pain des enfants de Dieu aux chiens. 3. Elles doivent être conscientes de la parole de Dieu suivante et y demeurer éternellement. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notons déjà que les femmes féministes, dans et en dehors de l'Église, entreprennent de réécrire la Bible. Parce que, disaient-elles, la Bible a été écrite par les hommes. C'est pour cela qu'elle leur fait la part très belle par rapport aux femmes, sans commentaire. Nous entendons souvent certaines femmes mariées dire dans des églises, « Je ferai ceci ou cela parce que mes dirigeants spirituels m'ont instruit de le faire. Je vais servir Dieu de telle ou de telle façon, de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, parce que mes dirigeants spirituels me l'ont demandé ou parce qu'ils le trouvent normal. » Je sais que mon mari n'est pas d'accord avec moi pour cela. Mais moi, je ne fais que ce que me recommandent mes dirigeants spirituels et mon église. Chers amis, avant même de continuer, nous voyons déjà que cela dégage soit une odeur d'ignorance et de manque de maturité dans la vie du maître et même de la sorcellerie. Parce que dès qu'une femme se marie, elle sort de l'autorité de son père biologique et passe automatiquement sous l'autorité de son mari et non sous celle de ses dirigeants spirituels qui eux-mêmes ne sauraient en aucun cas être les chefs de la famille du mari de la femme en question. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. La femme mariée ne deviendra jamais une même chair avec ses dirigeants spirituels. Et quand Paul nous parle de l'autorité dans 1 Corinthiens 11, nulle part il n'est fait mention que les dirigeants spirituels d'une femme mariée pourraient se substituer à son mari ou même lui ravir son autorité sur sa femme, sous prétexte que ce dernier est un non-croyant. Il s'agit ainsi de cas flagrants d'infidélité conjugale pour cause d'insoumission et de désobéissance au mari afin de ne se soumettre et de n'obéir qu'à d'autres personnes malgré le refus et le désaccord du mari, réduit à la position de mari sans femme, de chef sans autorité, que d'autres humains ont confisqué avec la complicité, la naïveté ou l'ignorance de sa femme. Si une femme mariée rejette l'autorité de son mari et se place sous l'autorité de son pasteur, de son prêtre ou de l'église, à la suite du ministre de Dieu Miles Monroe des Bahamas, je ne peux pas outrepasser mon rôle d'enseignant de la parole de Dieu, de conseiller spirituel ou d'intercesseur pour usurper l'autorité d'un autre homme sur sa femme, juste parce que je suis le prêtre ou le pasteur de cette dernière. Et puis, jusqu'à quel niveau cette autorité du mari sur sa femme que j'ai usurpée va-t-elle s'arrêter? C'est comme si j'entrais dans la maison d'un autre homme pour en être le chef de sa femme, de ses enfants, le chef de la famille. Si la femme n'est pas d'accord avec le nombre d'enfants que son mari veut, si elle n'est pas d'accord avec le plat préféré que son mari aime, si elle n'est pas d'accord avec les heures limites que son mari exige de rentrer au plus tard, si elle n'est pas d'accord avec le nombre de fois que son mari veut qu'ils aient des rapports sexuels, si elle n'est pas d'accord de comment son mari veut qu'elle s'habille ou se coiffe, du genre de parfum qu'elle doit mettre, du genre de personne que son mari veut qu'elle fréquente, si elle n'est pas d'accord avec la vision de son mari, ni avec le nombre d'enfants que son mari veut qu'ils aient, est-ce aux instructions de ses dirigeants spirituels ou des mamans de l'église qu'elle doit se soumettre au détriment des instructions de son mari? La Bible dit non. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Dieu insiste sur l'ordre et la soumission à l'autorité du mari sur sa femme en ce qui concerne certains sujets que les femmes ne peuvent pas traiter ou débattre en pleine assemblée. Et le Saint-Esprit ne les recommande pas dans ces cas, ni aux femmes âgées, ni à leurs pasteurs et aux autres dirigeants spirituels, mais à leurs maris respectifs seuls. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. 1 Corinthiens 14, 35. À qui donc ces femmes iront-elles s'instruire si elles méprisent l'autorité de leur mari et leur maison, mais ne se soumettent et ne glorifient que leurs dirigeants religieux et leur congrégation? Tout vrai pasteur, quel que soit son niveau de sanctification, d'esprit de sagesse et de conseil, n'a pas le droit d'instruire une femme contre l'autorité de son mari. Parce qu'il y aura toujours un autre soi-disant pasteur aussi qui s'appuiera sur la lacune de ce pasteur pour aussi donner des instructions contraires au sien, à son épouse. Est-ce que ce dernier le supportera? Si moi, à Bangonana, j'instruis la femme de Trouy contre la volonté et l'autorité de son mari, je serais exactement en train d'agir comme le serpent avait agi envers Ève dans le jardin d'Éden. Plusieurs églises, si ce n'est toutes, doivent se repentir dans ce domaine. Parce qu'aucun leader d'église ne doit jamais usurper l'autorité des maris sur leurs épouses et sur leurs enfants mineurs et à charge. Jésus est notre meilleur exemple à ce sujet. Quand il avait rencontré la femme samaritaine au bord du puits, il pouvait opérer un miracle dans la vie de cette femme. Il pouvait même demander à ses disciples de lui puiser désormais de l'eau chaque jour et de la lui apporter à la maison. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur avait fait en premier. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas violer le principe et le fonctionnement de la paternité et de l'autorité dans la vie de cette femme. Mais avant d'intervenir dans sa vie, il l'envoya d'abord appeler son mari. « Va !» lui dit Jésus. « Appelle ton mari et viens ici. » C'est pour nous qu'il donne cette information. Parce qu'il savait déjà que cette femme n'avait pas de mari. Et ce n'est que quand il était su par tous que cette femme n'avait pas de chef, pas de couverture, que le Seigneur se proposa à lui donner des instructions sans usurper l'autorité de qui que ce soit. Dans le cas où une femme mariée est sous l'autorité d'un mari non-croyant, mari qui est contre temps passé hors du foyer conjugal par son épouse à cause de ses ministères, au détriment de sa place et de sa présence dans son foyer, nous devons d'abord voir en premier si cette femme mariée est vraiment elle-même née de nouveau. Et si ces dirigeants eux-mêmes ont la pensée de Dieu en ce qui concerne le rôle de la femme dans son foyer et sous l'autorité de son mari. Parce que le but ultime de l'Église n'est pas d'occuper des femmes mariées et des mères de famille à travers des dons de responsabilités ministérielles et des activités religieuses du lundi au dimanche inclus, et ceci en flagrant désaccord entre ces soi-disant femmes croyantes et leurs maris soi-disant non-croyants. Mais le but de l'Église, selon Jésus, est d'abord de faire des hommes et des femmes pécheurs d'hommes en parcourant le monde entier par la prédication de l'Évangile, pendant que notre propre lumière elle-même brille devant tous et pendant que nous sommes le sel de la terre. Ce mari non-croyant ne voyait pas tout cela à travers sa femme. La seule chose qu'il voyait était que sa femme était de plus en plus absente de son foyer, de jour comme de nuit, de lundi à dimanche, à cause de ses multiples ministères et activités religieuses. Et que lui, le mari, n'avait plus aucune autorité sur elle. Et voilà la parole de Dieu qui est blasphémée dans nos foyers, dans nos belles familles, dans nos voisinages et même dans nos églises. Tite 2, à partir du verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants et à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonne soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Dieu est plus concerné par le salut du mari non-croyant de cette femme et de la paix et de l'harmonie dans leur foyer et du salut de leurs enfants que par les responsabilités ministérielles et les activités religieuses de cette femme. La grande commission de Matthieu 28 n'a pas pour but premier d'accorder des responsabilités ministérielles aux hommes et aux femmes au prix de la destruction des foyers et des familles, au prix de la dislocation, de la dispersion des membres de la famille et de la destruction de l'autorité familiale des hommes sur leurs femmes. Mais il s'agit de faire de toutes les nations des disciples en sauvant les perdus par la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas en usurpant l'autorité des chefs de famille sur leurs épouses et familles, parce qu'ils sont des non-croyants, que nous allons accomplir la grande commission. Mais c'est le contraire que nous faisons. Ceci dit, nous devons donc, en tant qu'Église, tout faire avec les moyens de Dieu pour que le mari non-croyant de cette femme dite chrétienne soit sauvé. Pour cela, nous devons d'abord nous repentir en tant qu'église et nous humilier. Et ensuite faire une cure d'âme à notre sœur pour voir si elle a un bon caractère et si elle-même a vraiment cru. Parce que ces maris que nous appelons non-croyants vivent le plus souvent des situations infernales de la part de leurs femmes dites croyantes de nos églises, à tel point que Satan en personne lui-même en a des vertiges. Matthieu 7, à partir du verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas évangélisé par ton nom? N'avons-nous pas animé des chorales par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce n'est pas parce que j'ai le privilège de prêcher la parole de Dieu aux autres et que je suis membre actif du ministère d'évangélisation ou du comité de l'église que je suis un enfant de Dieu. 3. Nous devons équiper spirituellement l'épouse par des enseignements bibliques appropriés. Par exemple, Proverbe 31 à partir du verset 10. Qui peut trouver une épouse vertueuse? Elle a plus de valeur que la perle. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien. À qui? À son mari. Et non du mal tous les jours de sa vie. 3. Après avoir conduit notre sœur dans une repentance vraie pour n'avoir pas été soumise à son mari, pour l'avoir méprisée et humiliée, pour avoir échoué en devenant sa rivale au lieu de son aide, nous devons la soutenir d'aller rendre témoignage à son mari, de lui prouver l'amour et la soumission volontaire d'une vraie épouse chrétienne à son mari. 4. Nous pouvons donc, après que notre croyante se soit humiliée devant son mari, en se remettant librement et sans contrainte sous son autorité, passer à la phase suivante en allant nous-mêmes visiter son mari à la maison. Cet homme n'a plus en face de lui cette église qui avait usurpé son autorité avec la complicité de sa femme. Si nous intercédons et évangélisons bien, nous croyons que le salut de ce monsieur s'annonce imminent. Mars Monroe, que nous approuvons, raconte « Quand une femme ayant reçu des responsabilités ministérielles sans que son mari en soit au courant et sans qu'il donne son accord, quand une pareille femme vient à moi, dit-il, et me dit, « Pasteur, mon mari dit que je ne peux pas venir à la réunion que tu as convoquée. Et tu es mon pasteur, qu'est-ce que je dois faire ?» Je lui réponds, « Tu restes avec ton mari et avec ton foyer, parce que je ne suis ni ton mari, ni ton chef. Va bâtir ton foyer et aide ton mari qui a besoin de toi. Il te dira ce que tu dois faire et suis-le. Voilà ton premier et vrai ministère. » Et Mars Monroe continue, « Et je ne m'arrête pas là. Mais j'écris ensuite une note à son mari, parce qu'elle risque d'aller censurer ce que j'ai dit et entendre même le sens auprès de son mari. J'écris donc ensuite une note à son mari, lui demandant pardon parce que le programme à l'église est en conflit avec son programme familial. S'il vous plaît, monsieur, pardonnez-moi et je vous renvoie votre épouse. Que Dieu vous bénisse et gloire au Seigneur Jésus-Christ. » Imaginez comment cet homme réagira. Il pourra rapidement se convertir en se disant, « J'ai enfin trouvé une église où les pasteurs ne méprisent pas les autorités familiales et ne veulent pas les supplanter. » Tout ceci parce que ni Dieu ni l'église n'ont pas essayé de lui prendre sa femme, ni usurper son autorité sur elle. Et puis, chers dirigeants de l'église, ne soyez pas naïfs et ayez le discernement des esprits et la parole de connaissance parce que la majorité de vos chrétiennes font des bêtises et sont des rebelles dans leur foyer sous votre couvert. Alors que le plus souvent, vous n'y êtes pour rien et vous ne savez même pas ce qui se passe. Et de l'autre côté, elles viennent vous dire que ce sont leurs maris qui sont des non-croyants, des méchants, alors que tel n'est pas le cas. Commençons donc à faire comme notre collègue Miles Monroe et nous découvrirons beaucoup de choses au même moment que nos assemblées seront bénies comme le Seigneur Jésus-Christ le veut. Alléluia. Amen. Chers amis, ce message ne nous servira à rien si nous ne sommes pas en paix avec Dieu, par Jésus-Christ bien sûr. Car Dieu a tant aimé le monde et a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sans Jésus, le serpent ancien continuera à te séduire et à te faire détruire ton foyer de tes propres mains. Ne soyons pas insensés, faisons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. En mettant sérieusement en pratique et de tout notre cœur, Romains 10, versets 9 à 11. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.